Elle sort, elle sort, elle sort, elle sort pour oublier son ex. Le soir, elle sort. Elle sort, elle sort, elle sort. Et elle s'en fout des mecs. Le soir, elle sort. Avec son ex, elle fait que son boucanéo. Tous les jours, il lui demande où elle est allée. Elle en a marre, elle veut plus lui parler. Parce qu'elle a vraiment vu ce qui valait. Elle vit seule dans son appart, elle qui paie son loyer. Et toutes ses sisters lui demandent c'est quand qu'elle se marie. La miss, elle boit de l'alcool et elle fume des cigarettes. Des problèmes de cœur, ça fait aussi mal qu'une carie. Elle veut des bisous, elle s'est sentie seule toute l'année. Et tous ses chiens du zoo, ils font que l'emboucaner. Elle est passée sur la route, ils l'ont vu, ils ont calé. Ne lui parle plus d'amour, pour elle la fleur est fanée. Elle sort, elle sort, elle sort, elle sort pour oublier son ex. Le soir, elle sort. Elle sort, elle sort, elle sort. Et elle s'en fout des mecs. Le soir, elle sort. Dommage si tu l'avais pas fait chialer. Tu l'insultes sa femme, après tu crois qu'elle va trop parler. Des soirs, elle s'en fout, tu savais. C'est pas pour elle tout ça, ouais. Toi plus gâté, tout, tout, tout ça, c'est pas ta pute là, ouais. Y'avait Julia, Rosalina, Dounia, j'trouve ça trop salé. Et sur Snap, t'es en chaleur, ses copines elles t'ont cramé. Et voilà maintenant tout ça, t'avais la plus belle pour toi, ouais. Et voilà maintenant tout ça, t'avais la plus belle pour toi. Elle sort, elle sort, elle sort, elle sort pour oublier son ex. Le soir, elle sort. Elle sort, elle sort, elle sort. Et elle s'en fout des mecs. Le soir, elle sort. Chiquita Maria, trouve un Maria qui ne fait que penser à toi. Un vrai Maria qui fait pas de mania, beau et simple à la fois. Chiquita Maria, trouve un Maria qui ne fait que penser à toi. Un vrai Maria qui fait pas de mania, beau et simple à la fois. Elle sort pour oublier son ex. Elle s'en fout des mecs. Elle sort pour oublier son ex. Elle s'en fout des mecs. Elle sort, elle boit des coups pour oublier son ex. Elle calcule pas les loups et les loups ils se vexent. Elle sort, elle boit des coups pour oublier son ex. Ce soir elle est dans le coup avec ses copines à elle sort, ex. Elle sort, elle sort, elle sort pour oublier son ex. Le soir, elle sort. Elle sort, elle sort, elle sort. Et elle s'en fout des mecs. Le soir, elle sort.